Troby on the beat. Le soir j'paranoie. Après j'me dis y'a faille. J'me dis y'a faille. Moi j'fume la marijuana et j'bois la tequila. Chic sur mon sang, ça fait passer des kilos. Kilo, kilogramme. J'kilo, j'kilo maille. J'pose avec la patate à maille. J'donne du sexe à pile aux femmes. La caille. Vite vite go y'a la bac bac. Ça ravit taille le bloc en tac tac. Toute la recette dans un sac sac. Ça se fait la guerre comme à Bagdad. Vite vite go y'a la bac bac. Ça ravit taille le bloc en tac tac. Toute la recette dans un sac sac. Ça se fait la guerre comme à Bagdad. Le soir j'paranoie. Siempre quiero más, con poco no sacio. Arte de guerra, Shenzhen va despacio. Más caras que Rolling Dice, se van en presagio. Pa' Rolex no hay, me quedo con Casio. Gente que no me quiso y ahora quiere estar aquí. Mantengo mi compromiso en hacer billetes ahí. Mi colega o con piso se podría entrar así. La música es como un vicio, la quiero toda pa' mí. Escucho a Yule mi Le soir j'paranoie. Après j'me dis y'a faille. Moi j'fume la marijuana et j'bois la tequila. Chic sur mon sang, ça fait passer des kilos.